Chapitre 21. Jésus regarda autour de lui et vit des riches qui déposaient leurs dons dans les troncs à offrande du temple. Il vit aussi une veuve pauvre qui y mettait deux petites pièces de cuivre. Il dit alors, « Je vous le déclare, en vérité, cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres, car tous les autres ont donné comme offrande de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Quelques personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifique avec ses belles pierres et les objets offerts à Dieu. Alors Jésus déclara, « Les jours viendront où il ne restera pas une seule pierre posée sur une autre de ce que vous voyez là. Tout sera renversé. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela se passera-t-il ? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver ?»« Faites attention, leur dit Jésus, ne vous laissez pas tromper. Car beaucoup d'hommes viendront sous mon nom et diront, « Je suis le Messie » ou encore, « Le temps est arrivé ». Mais ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas tout de suite la fin du monde. Puis il ajouta, « Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura de terribles tremblements de terre, et dans différentes régions des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et de grands signes venant du ciel. Mais avant tout cela, on vous arrêtera, on vous persécutera, on vous livrera pour être jugé dans les synagogues, et l'on vous mettra en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des dirigeants à cause de moi. Ce sera pour vous l'occasion d'apporter votre témoignage à mon sujet. Prenez donc la décision de ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez, car je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ni vous contredire. Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères, vos parents et vos amis. On mettra à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Tenez bon, c'est ainsi que vous sauverez vos vies. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez, à ce moment-là, qu'elle sera bientôt détruite. Alors, ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner. Et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville. Car ce seront des jours de châtiment, afin que se réalise tout ce que déclarent les Écritures. Quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront. Car il y aura une grande détresse dans ce pays, et la colère de Dieu se manifestera contre ce peuple. Ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations, et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que leur temps soit achevé. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la mer et des vagues. Des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les puissances des cieux trembleront. Alors, on verra le Fils de l'homme arriver sur un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance sera proche. » Puis Jésus leur dit cette parabole, « Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le déclare, en vérité, les gens actuellement vivants ne seront pas tous morts avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, Mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, ce jour-là vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas. Priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Mais le soir, il s'en allait pour passer la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Et tout le peuple venait au temple tôt le matin pour l'écouter.